Haïti chérie, pi bel pays passé ou non point. Faut que moi t'ai quitté, pour moi t'es capable comprendre valeur. Faut que moi t'ai laissé, pour me t'es capable apprécier, pour me sentir vraiment tout ça où t'es pour. Bon soleil, bon rivière et bon breuvage. On va pied bois, toujours gagner bon ombrage. Gain bon petit vent, pour bas nous bon petit fraîcheur. Haïti Thomas, c'est you pays. L'on en pays blanc et toute figure you seul couleur. Pagan mulatresse, belle marabou griffon créole, qui ramène belle robe, bon poutac, bonne odeur. Ni belle jeune négresse qui conne fait bon petit caresse. L'on pays moins. Le tout bel Timoun Layo saut-il en balle ou saut-il en cinéma? C'est pour garder, c'est pour être Diol Loulou. Allons bon pays, oh mon Dieu, c'est Haïti. Haïti chérie, bel pays passé ou non point. Faut que moi t'ai quitté, pour moi t'es capable comprendre valeur. Faut que moi t'ai laissé, pour me t'es capable apprécier, pour me sentir vraiment tout ça où t'es pour moi, pour me sentir vraiment.